Radio Campus, il est midi. 69. Salut, c'est HK sur Radio Campus. En 1969, une bande d'hurluberlus du 59 ont créé la plus érotique des radios campus. Et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h, sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus et vous faites bien, puisque c'est l'heure d'Angle d'attaque, l'émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec aux manettes Florent, maître du chrono, qui proposera la pause musicale et le calendrier militant. Et Ludovic, Quentin et moi-même comme animateurs de l'émission. Christian ne sera pas avec nous aujourd'hui car il assiste à la conférence nationale des comités locaux d'attaque qui a lieu ce week-end à Paris. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question des privatisations prévues par le gouvernement Macron, notamment celle d'Aéroports de Paris et aussi, bien sûr, nous allons parler du référendum d'initiative populaire, le RIC, que cette décision a impliqué. Alors pour ce thème, nous avons invité David Calia, membre des économistes atterrés et maître de conférences à l'Université d'Angers, auteur également de plusieurs ouvrages, « L'économie du réel face au modèle trompeur » avec Philippe Askenazi, 10 plus une question sur l'Union européenne et la fin de l'Union européenne avec Coralie Delhomme. Bonjour David Calia. Bonjour. Oui. Eh bien, bienvenue. Et voici déjà la première question, Ludovic. Oui, alors, qui dit ADP dit. Qui dit privatisation d'ADP dit loi Pacte. Est-ce que vous pourriez effectivement revenir sur cette loi donc, qui a. Donc tout simplement qui est dans lequel s'inscrit la privatisation de l'ADP. Donc loi qui a été votée donc le 22 mai 2019 et donc dont Bruno Le Maire a été le porteur. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette loi? Alors c'est une loi un peu fourre-tout en fait hein, qui vise à améliorer à aider les entreprises à simplifier en fait le travail des entreprises. Donc c'est une loi qui va dans la logique de la politique de l'offre, hein, c'est-à-dire d'améliorer la compétitivité de la France. Alors dans cette loi, il y a plein de trucs, hein, des simplifications administratives. Il y a aussi l'idée qu'on peut avoir maintenant des entreprises de projet, c'est-à-dire des entreprises qui auraient par exemple des projets sociaux, hein, c'est-à-dire que l'objectif ne serait pas uniquement la quête du profit, mais d'autres choses. Donc ça, on a beaucoup parlé. Bon, après c'est un peu gadget. Il y a aussi donc une aide, justement, ce volet privatisation qui vise en fait à financer des innovations de rupture. Donc le gouvernement privatise donc trois entreprises hein, publiques. Alors certains Engie, donc, qui est une entreprise privée, mais dont l'État a gardé un certain nombre d'actions, hein, donc anciennement Gaz de France, puis GDF Suez, privatise donc la Française des Jeux, hein, qui dans le processus est lancé, hein, a été lancé cette semaine, et puis il y a la privatisation d'ADP. Alors, il compte récupérer à peu près 15 milliards d'euros de ces privatisations, donc tout ça c'est dans la loi Pacte, hein, et donc abonder un fonds de 10 milliards d'euros, fonds financiers dont les revenus d'environ 250 millions d'euros seraient consacrés à financer chaque année des projets d'innovation qui viendraient donc des entreprises privées, qui en feraient la demande au Premier ministre, hein, puisque c'est un fonds qui sera géré directement par le cabinet du Premier ministre. Et donc, ces entreprises pourraient ainsi se faire financer à hauteur annuelle de 250 millions d'euros des projets d'innovation de rupture. Voilà, donc la loi PACTE, en fait, c'est une loi avec énormément de choses sur pour améliorer la productivité, la compétitivité des entreprises françaises. Du coup, l'intérêt décrit par l'État, c'est que ça rapporte plus de vendre, par exemple, ADP, que de le garder et d'avoir la recette tous les ans de la possession de ce capital. Ah bah, en fait, le problème, c'est que justement, ça rapporte pas plus de vendre ADP. Et on a un gain en capital, évidemment. On gagne 15 milliards de ces ventes, des trois ventes. Hein. Alors, ADP, c'est entre... on sait pas trop, entre 8 et 10 milliards de recettes de revenus d'euros. Donc ADP, c'est vraiment la principale privatisation en termes de volume. Le problème, c'est qu'ADP seul rapporte déjà plus de 200 millions d'euros en dividendes à l'État. Donc en fait, et puis c'est un bénéfice qui va croître dans l'avenir, hein, puisque le transport aérien a une croissance plus forte que la moyenne économique. En fait, il va faire une opération qui se traduira en fait par une baisse des recettes publiques. Hein. C'est-à-dire que on va gagner de 200 à 300 millions d'euros par ce fonds. Hein, et encore, ça aussi, c'est pas sûr parce que ça va dépendre des rendements des actifs financiers qu'on va placer. Mais on sait qu'on va s'amputer à la fois des dividendes d'Engie, des dividendes versés par la Française des Jeux et des dividendes dont on sait qu'elles sont déjà supérieures à 200 millions d'euros. D'ADP. Donc en fait, c'est une opération qui va faire perdre des recettes à l'État. Est-ce que du coup, le gouvernement ne s'arroge pas, comment dire, à la base, ces revenus sont censés être utilisés, les revenus tels qu'ils sont générés aujourd'hui par ces entreprises, comment ils sont utilisés et si dans le futur ils appartiennent au cabinet du gouvernement, est-ce que c'est pas une façon pour le gouvernement de s'attribuer cet argent, enfin ce revenu annuel, de façon à pouvoir tirer des lauriers sur lui je sais pas comment on peut l'interpréter. Alors, c'est très intéressant parce que, pour l'instant, les revenus financiers de l'État, hein, il y a beaucoup hein, de revenus financiers. Hein, l'État a beaucoup d'actions dans beaucoup d'entreprises. Hein, et donc, ils abondent le budget général. C'est-à-dire qu'ensuite, ils sont utilisés de n'importe quelle façon. Hein, ils vont aller aux dotations des hôpitaux, par exemple, ou des collectivités territoriales, où ils vont rémunérer des fonctionnaires. C'est le budget général de l'État. Donc, effectivement, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va sanctuariser donc les revenus de ce fonds, donc on va du coup se priver de centaines de millions d'euros de recettes annuelles, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, pour on va créer un fonds dont on va sanctuariser l'utilisation, c'est-à-dire que ces 250 millions, 200 à 300 millions qui sont attendus vont être utilisés par le Premier ministre hein, pour financer l'aide aux entreprises, donc évidemment l'aide à l'innovation des entreprises. Donc évidemment derrière ça, il y a une opération de communication. D'ailleurs, ça se voit parce que en théorie, en fait, c'est pas du tout la mission du Premier ministre de gérer un fonds d'investissement, pas du tout. On a d'ailleurs la BPI créée par François Hollande, un fonds public d'investissement, qui justement est là pour accompagner les entreprises dans leur développement, en finançant des entreprises qui ne trouvent pas de financement, par exemple dans le secteur bancaire traditionnel. Et donc, ça aurait été bien plus pertinent de donner cette mission de financer l'innovation de rupture à la BPI, hein, quitte à la doter d'ailleurs d'une enveloppe régulière de 250 millions d'euros, parce qu'on n'a pas besoin pour ça de privatiser. Hein. 250 millions d'euros, ça se compte facilement. Hein. Le gouvernement a trouvé 17 milliards pour répondre aux gilets jaunes l'année dernière. Donc il n'y a aucun souci pour trouver 250 millions d'euros, on n'a pas besoin de privatiser. Et on aurait tout ainsi pu, si on veut développer l'innovation de rupture, et bien, confier cela à des gens qui savent un peu ce que c'est que l'univers de l'entreprise, c'est-à-dire au personnel de la BPI, qui est une banque publique, hein, plutôt que de créer une autre structure ad hoc, qui serait rattaché au Premier ministre. Évidemment, ça fait moins, on va dire, médiatiquement, d'un point de vue communication, si c'est la BPI qui le fait, c'est pas le Premier ministre, donc voilà, le Premier ministre va pouvoir, chaque année, en tout cas, quand ce fonds sera mis en place, montrer qu'il finance l'innovation de rupture, au lieu que ce soit fait par un membre de la BPI. René ? Oui, justement, encore une fois, est-ce que c'est pas cette vision néolibérale du gouvernement qui est à contre-temps ? On peut se poser des questions sur la pertinence de ces privatisations quand on sait que, par exemple, les chemins, la privatisation des chemins de fer britanniques, ça a été une catastrophe et les Anglais commencent à renationaliser certaines lignes. On a l'exemple aussi de la distribution d'eau où des villes qui étaient en délégation sont revenues en régie publique. Enfin, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que les privatisations étaient souvent négatives. Alors oui, tout à fait. Alors ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis quelques années, ce qu'on constate dans le monde entier, hein, c'est le retour de l'État dans l'économie. Alors, retour de l'État dans l'économie qui va justement vers l'arrêt des privatisations et voire une certaine renationalisation dans certains secteurs, mais c'est aussi le renouveau des politiques protectionnistes. Alors, on le voit avec Donald Trump, on le voit aussi dans d'autres endroits, ou de la stratégie de l'État, hein, on le voit là aussi dans de nombreux pays, qui reprend son fonction de stratège de développement à long terme de l'économie, puisque pendant très longtemps, finalement, depuis les années 80, puis ça s'est encore accéléré dans les années 90, hein, on considérait que l'État n'avait plus de rôle à jouer, qu'il fallait juste encadrer les marchés, que c'était tout, que ça suffisait. Ça, c'est un peu la logique néolibérale. Eh bien, on est en train de revenir en arrière. Alors, les questions se posent même sur l'indépendance de la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale est indépendante, hein? Là aussi, Donald Trump, il a tendance à vouloir reprendre le contrôle de la Fédérale Réserve. Donc, vraiment, c'est la fin d'un cycle. Effectivement, alors même que c'est la fin d'un cycle libéral ou néolibéral, eh bien, on a le gouvernement Macron qui va un peu à contre-temps et qui, lui, reprend des privatisations. Mais alors, le paradoxe, c'est que ces privatisations, Engie, c'est un peu moins, mais bon, c'est déjà une entreprise privée, donc on ne peut pas parler de privatisation, mais la Française des Jeux et ADP, en fait, c'est tout à fait particulier quand même. Il s'agit de privatisation de monopole. La Française des Jeux a un monopole des jeux d'argent qui sont populaires, hein, sans les casinos, sans les jeux en ligne, mais elle a un monopole, hein, le monopole public, donc... Quel sens ça a de privatiser une entreprise qui n'est même pas en concurrence, hein? Ça veut dire simplement donner une rente au privé, c'est ça que ça veut dire. Okay. ADP, c'est pareil. ADP a une situation monopolistique, hein, puisque c'est le premier aéroport français. Si vous voulez faire un vol international depuis la France, vous n'avez pas tellement le choix de passer par les aéroports de Paris. Donc là aussi, il s'agit d'une entreprise qui bénéficie d'une rente. Et la théorie économique, en fait, n'a jamais, même la théorie néolibérale, n'a jamais promu l'idée de privatiser des entreprises à monopole qui sont assises sur des rentes. Au contraire, on a toujours essayé d'expliquer qu'il fallait soit démanteler les monopoles, hein, ce qui aurait pu être fait. Par exemple, on pouvait privatiser, non pas ADP, mais dissocier Roissy de Charles de Gaulle, de Orly, par exemple, en mettant en concurrence les deux aéroports parisiens. C'est pas du tout ça qui a été prévu. Hein. Ça a été prévu de privatiser ADP telle qu'elle existe actuellement, c'est-à-dire tout. Donc, qui possède le Bourget, qui est plutôt les vols d'affaires, Roissy et Orly, hein, et donc quelque part, les Parisiens, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent prendre l'avion, forcément qu'ils passent par l'un de ces aéroports. Hein, donc c'est contraire même à la pensée néolibérale. Oui, c'est extrêmement problématique et tout à fait illogique. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça? Parce qu'il veut faire des privatisations, parce que c'est son objectif. Hein, donc là, on voit bien l'aspect dogmatique de cette politique. Et qu'en fait, il ne reste plus rien à privatiser. Je veux dire, il n'y a plus d'entreprises. Hein, on a déjà privatisé les autoroutes qui, elles aussi, sont quelque part en situation de monopole. Donc comme il ne reste plus d'entreprises concurrentielles qu'on peut privatiser, on va privatiser des monopoles. Justement, le fait de privatiser des monopoles, est-ce que ça ne va pas attirer les foudres de Bruxelles? Ah ben non, parce que Bruxelles n'a pas de... là aussi c'est intéressant, l'Union européenne ne regarde pas qui possède le capital. Elle regarde la régulation, elle ne regarde pas... Elle est indifférente sur la question de savoir si le capital est possédé par du public et du privé. D'ailleurs, ça explique qu'en fait, on ne peut jamais dire qu'on privatise parce que c'est les ordres du marché unique, enfin, c'est les règles européennes, etc. Non, on privatise, c'est des décisions politiques souveraines. Ça fait partie des quelques acquis de la France dans le traité de l'acte unique du 86 et le traité de Maastricht du 92, c'est que les Français ont toujours refusé qu'on oblige les pays à privatiser. On regarde quoi? On regarde s'il existe un marché concurrentiel. Alors, pour ADP, c'est paradoxal, puisque évidemment, il y a une partie monopolistique, mais on va dire que c'est pas un monopole absolu, puisqu'on peut toujours aller prendre le train et puis partir de Bruxelles ou d'un autre aéroport ou d'Amsterdam. Les économistes savent bien que le monopole n'est pas peut-être pas absolu, mais enfin qu'il est quand même très fort pour ADP. pour la française de jeu, en fait, il s'agit d'un monopole qui est encadré par l'État. Hein, donc, Bruxelles n'a pas grand-chose à dire par rapport à ça. C'est un marché en monopole, dont la définition même du marché est un monopole, pour des raisons sanitaires, hein, pour éviter justement l'addiction au jeu. Alors, le problème, c'est que si on veut réguler une activité qui, effectivement, pose problème, des problèmes d'addiction, on peut évidemment l'encadrer par des règles, hein, donc il implique un monopole. Hein, mais c'est comme, par exemple, la distribution de tabac. C'est un monopole, c'est des bureaux de tabac qui peuvent vendre du tabac et non pas n'importe qui. Hein, mais le problème, c'est que pour bien réguler une activité comme ça, qui entraîne des problèmes sanitaires et qui est une activité de monopole régulée par l'État, il vaut mieux que ce soit une entreprise publique qu'une entreprise privée. C'est tout le paradoxe. Mais Bruxelles n'a rien à dire par rapport à ça. D'accord. Quentin ? Moi, je voulais revenir. Alors, c'est une fois une remarque plus qu'une question. C'est-à-dire que quand on compare la situation d'Aéroport de Paris et la situation monopolistique d'Aéroport de Paris et celle de la Française des Jeux, si on s'imagine, par exemple, diviser Aéroport de Paris en plusieurs aéroports qui rentrent en concurrence, on a aussi une logique, une problématique écologique derrière, de dire si j'ai deux aéroports qui se font concurrence, qui essaient d'être tous les deux le plus gros de la zone, le plus imposant, le plus important, ils vont faire une course au vol à l'extension de l'aéroport ou au vol les moins chers, les plus attractifs. Mmh. Et donc on risque de passer complètement à côté d'un objectif écologique qui devrait théoriquement raisonner un peu le transport aérien. Alors je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, quand je vous disais que d'un point de vue de la théorie néolibérale, il fallait dissocier ADP en plusieurs aéroports pour maintenir la concurrence, je ne faisais pas mienne cette théorie en réalité. Parce que justement, vous avez cité mon livre « L'économie du réel », je vous remercie, c'est un livre qui justement démontre que la concurrence en fait ne fonctionne pas. Que la concurrence ne fonctionne pas notamment dans le secteur ferroviaire, j'ai étudié plus précisément ce secteur-là, elle ne fonctionne pas plus dans le secteur agricole, et donc il n'y a aucune raison qu'elle fonctionne correctement dans... notamment parce que, comme vous l'avez très bien dit, la concurrence, finalement, c'est la survie du plus fort et, de l'entreprise qui va maximiser au mieux ses profits, quitte à utiliser tous les moyens pour cela. C'est pas forcément le bien-être général, c'est pas forcément prendre en considération les questions écologiques. Justement, d'ailleurs, dans le ferroviaire, la concurrence dans le fret, hein, le fret est ouvert à la concurrence depuis 2003, donc c'est encore un bout de temps, dans le marché international, puis dans le marché national partout depuis 2006. Et quand on regarde l'évolution du fret ferroviaire, hein, qui évidemment est bon d'un point de vue environnemental, en tout cas meilleur que les camions, et bien en fait, il s'est effondré. Donc la concurrence n'a pas du tout développé le fret ferroviaire. Et moi, je crains que la concurrence qui va s'ouvrir très bientôt, en 2020, pour le trafic voyageur dans la SNCF, ça ne va pas non plus forcément se faire au bénéfice de l'écologie. Donc là aussi, pareil, les aéroports, mais là, ça, c'est même pas une question de concurrence, c'est-à-dire que même si on privatise ADP actuellement, dans sa configuration actuelle, elle va de toute façon profiter du fait d'être en monopole pour maximiser ses revenus et donc maximiser le transport aérien. Et quand on voudra, et je pense que ça serait bien, par exemple, interdire les vols intérieurs, par exemple, qui sont aberrants, enfin, je veux dire, faire un vol Paris-Lyon, alors qu'il y a un train qui permet de le faire en deux heures, c'est idiot. Faire taxer éventuellement le kérosène, vous savez que le kérosène, depuis les accords de Montréal des années 50, n'est pas taxé. Donc évidemment, on demande aux gens de subir une taxe sur le gasoil parce que le gasoil c'est un polluant, mais le kérosène pour les riches, lui, on le taxe pas. Donc si on veut réguler le trafic aérien pour des raisons de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou taxer le kérosène, on va se heurter de fait à un lobby en fait, c'est-à-dire à une entreprise qui va pouvoir expliquer que bah non, si vous faites ça, elle va perdre des emplois, etc. On va le voir avec Total sur la réduction fiscale sur l'huile de palme, eh bien ça va toujours se faire de la même façon. Et donc la seule manière d'éviter un lobby, bah, c'est que l'État garde le contrôle et qu'il puisse utiliser ses entreprises publiques pour mettre en œuvre des politiques publiques. Et là, on va avoir une entreprise privée qui sera forcément contre les politiques publiques qui vont viser à réduire le trafic aérien. Dans la loi PACTE, promulguée en mai 2019, donc, que j'ai évoqué là, en préambule de cette émission, il n'y a pas que la privatisation d'ADP et de la Française des Jeux, il y a aussi la sortie programmée de l'État du capital d'Engie et son désengagement de GRT Gaz, donc, qui exploite les gazoducs et les terminaux méthaniers français. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération? Là aussi, comment vous percevez la chose? Quelles conséquences ça peut avoir effectivement sur la politique énergétique en matière gazière? Alors je sais pas trop si ça va avoir une conséquence, puisque bon, déjà Engie, l'État est déjà très minoritaire. Plus généralement, je pense que ces privatisations... Bon, il faut déjà se réfléchir pourquoi on a nationalisé ces entreprises. À une certaine époque, dans les années 80, on avait de très nombreuses entreprises nationalisées dans les télécommunications, dans l'énergie. Il y a toujours un audiovisuel public extrêmement développé. Pourquoi est-ce que on a ces entreprises nationalisées, transport, énergie, télécommunications? Parce que en fait, il s'agit d'industries clés pour le développement économique. L'État a utilisé par exemple EDF ou Gaz de France pour tarifer différemment des entreprises en fonction de sa stratégie de politique industrielle. Or, depuis l'acte unique 86, depuis 92, depuis aussi une certaine idée de la régulation publique, on a supprimé les politiques industrielles. Donc ces entreprises publiques, en fait, l'État n'a plus le droit de les utiliser pour mener des politiques, par exemple, faire payer l'électricité différemment d'une entreprise, d'un secteur industriel qu'on veut aider à un autre secteur qu'on veut moins aider. Et donc, en fait, ils se retrouvent face à des entreprises publiques qui, théoriquement, sont des outils pour mener des politiques publiques, des politiques industrielles, et en fait, ils ne les utilisent plus comme ça, et en fait même, j'ai envie de dire qu'il n'a plus de stratégie à long terme, de politique industrielle à long terme. Et donc, quelque part, eh bien, en fait, ils cherchent à se débarrasser de ces entreprises dans l'énergie, dans les transports, etc., parce que simplement, il a pas de vision stratégique, et il n'a pas de vision stratégique parce qu'en fait, il est très, très contraint par, justement, la logique néolibérale de concurrence non faussée, et parce que, quelque part, il a accepté de se soumettre à la logique de la mondialisation et celle du marché unique européen, est de limiter au maximum l'intervention de l'État. Et donc en fait, ces privatisations, c'est aussi des privatisations de convenance, c'est-à-dire qu'il s'agit pour l'État d'éviter d'être responsable de la gestion des politiques et des stratégies industrielles de ces entreprises. Alors on l'a vu par exemple sur Renault, hein, là aussi qui est une ancienne entreprise publique, qui a été privatisée, mais dont l'État garde un certain nombre d'actions. Bon, finalement, en fait, il a rien fait. Je veux dire, Carlos Ghosn a fait n'importe quoi. Les administrateurs de l'État au conseil d'administration de Renault n'ont jamais été un contre-pouvoir. Ils n'ont jamais cherché à éviter les délocalisations de Renault, des usines de Renault au Maghreb, en Roumanie ou ailleurs. L'État était passif, en fait. Et pourquoi il était passif? Parce qu'en fait, il n'a plus de vision stratégique. Il ne veut même plus porter de vision stratégique dans l'économie. Donc, plus globalement, vous voyez, c'est pas juste la question du secteur du gaz qui m'interpelle, c'est plutôt la question de la logique globale de ces privatisations qui sont des logiques d'abandon de l'État à la sphère du marché. C'est-à-dire, on va considérer que c'est le marché, c'est les industriels, c'est Carlos Ghosn qui a raison, qui c'est la stratégie. Nous, on ne peut plus dire quoi que ce soit parce que de toute façon, on ne maîtrise plus ces sujets-là. Et je me permets dans un autre sens, on est censé reposer sur le fait que ces nouveaux gestionnaires, entre guillemets, donc les personnes qui vont acheter ces entreprises, vont avoir une gestion en bon père de famille et vont, prendre soin de l'intérêt public. Mais on voit par exemple sur l'aéroport de Toulouse que c'est tout le contraire et que le but c'est de transformer l'entreprise en machine à cash. En machine à cash, exactement. Exactement. Ben, c'est-à-dire que là aussi c'est un mythe. Le mythe que l'entrepreneur individuel... Alors on ne lui demande pas d'avoir une stratégie publique. Hein. On lui demande, ça aussi c'est la théorie économique, on demande à ce que les entreprises, ça c'est, vous voyez, c'est l'idée de la main invisible dans l'économie. Hein. Les entreprises, en gérant leur propre intérêt personnel à long terme, eh bien, elles vont contribuer à l'intérêt collectif. C'est ça le mythe qu'il y a derrière, c'est cette idée du marché efficace. Or, en fait, la réalité, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées. Vous avez utilisé Toulouse, c'est extrêmement intéressant. Hein. Donc, on a... par ailleurs, ces privatisations, elles sont toutes bizarres. ADP, par exemple, c'est pas une véritable privatisation, c'est une concession. Mais une concession sur 60 ans, ou 70 ans. Une concession extrêmement longue, qui n'existe pas, en fait, normalement. Là, pareil, sur Toulouse, vous savez qu'on a vendu que 49,9% du capital. Donc, 50,1% du capital reste public, entre l'État et les collectivités territoriales et la CCI. Cependant, c'est une privatisation. Pourquoi c'est une privatisation? Parce qu'il y a un pacte d'actionnaires. Les 10 à 15%, je ne sais plus, du capital qui reste entre les mains de l'État, eh bien, l'État s'est engagé dans le cadre de cette privatisation à toujours voter comme le propriétaire chinois Casil. Et donc, ça veut dire qu'avec 49,9%, Casil détient en fait 60% du capital de Toulouse. Grâce au fait que l'État votera, les représentants de l'État voteront toujours comme Casil. Vous voyez, c'est complètement aberrant ce système. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces propriétaires chinois? Eh bien, en fait, ils ont supprimé toute la politique d'investissement de l'aéroport de Toulouse et ils s'attribuent des dividendes extrêmement élevés pour rentabiliser au maximum le profit qu'ils ont. Et ils ont même cherché à revendre leur part une fois après avoir vidé des caisses. C'est-à-dire qu'ils ont les premières années, ils ont vidé des caisses à trésorerie en distribuant des dividendes extrêmement importants. L'État a voté pour parce qu'il est tenu par ce pacte d'actionnaires, donc il a lui aussi voté pour. Donc voilà, on se retrouve avec une entreprise qui est vidée de sa substance et de sa trésorerie. Et maintenant, eh bien, il continue de distribuer d'importants dividendes et il cherche en même temps à revendre ses actions pour solder en fait tout compte. Donc c'est un actionnaire qui n'a absolument aucune volonté d'investir à long terme. Et bien oui, ça existe. Et les manuels disent, quand on est propriétaire d'un actif, on va chercher à le rentabiliser au maximum, mais sur du long terme. C'est pas vrai du tout. Le marché et les entreprises individuelles, elles ont des stratégies parfois beaucoup plus complexes. Pour un Chinois, un fonds d'investissement chinois, l'objectif d'acheter Toulouse n'était pas forcément d'investir dans le système aéroportuaire français, mais peut-être simplement de récupérer de l'argent, de faire une bonne affaire en revendant après ses actions. Et quoi qu'il en soit, les stratégies des acteurs ne sont pas forcément celles de développer le patrimoine dont ils disposent. Ça, on l'a bien vu pour Toulouse. Oui, mais justement pour des raisons de sécurité nationale et aussi pour préserver nos fleurons industriels, là je pense notamment à Alstom, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que l'État conserve un contrôle sur un certain nombre d'entreprises ou de secteurs stratégiques? Alors aussi, bien sûr, mais on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour en faire quoi? Parce qu'en fait, quand on n'a pas de stratégie, quand on ne sait pas prévoir à 10 ou 20 ans quand d'ailleurs on a supprimé les outils de la politique industrielle, l'État se retrouve en fait avec des entreprises nationalisées dont il ne sait plus quoi faire. Alors bien sûr qu'il faudrait, on a eu parfois des nationalisations temporaires. Hein, on peut penser à Alstom par exemple. Sarkozy avait, et à un moment, Alstom avait qui est une entreprise extrêmement efficace, hein, qui produit nos TGV, des centres de train, qui a aussi toute une partie énergie qui a été vendue d'ailleurs à General Electric. Bon, Alstom, c'est un fleuron, effectivement, de l'industrie française. Bon, à un moment, elle avait des difficultés. Eh bien, Sarkozy n'a pas hésité à nationaliser Alstom, à essayer mais de manière provisoire, hein, c'est-à-dire pour le redonner ensuite au secteur privé. Là-dessus, nouvelles difficultés stratégiques, on va couper Alstom en deux, on va vendre la partie électrique à General Electric, mais à aucun moment, on cherche à nationaliser, tout simplement parce que l'État n'a pas de stratégie industrielle. Il n'a pas de stratégie industrielle parce qu'en réalité, il n'a pas le droit, c'est là qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, il n'a pas le droit de distordre la concurrence et donc d'accorder des subventions à des entreprises spécifiques. Il peut accorder des subventions à un secteur entier, mais pas à des entreprises spécifiques. Or, racheter une entreprise, l'Union européenne est neutre, hein, vous pouvez racheter une entreprise, mais à condition de vous comporter comme si vous étiez un investisseur privé. Et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'on demande à l'État de gérer ses entreprises publiques, non pas en fonction d'une stratégie de préservation des fleurons industriels, etc., mais de gérer les entreprises comme si il était un actionnaire privé qui cherchait le profit maximal. Et d'où la difficulté qu'a l'État, en fait, de savoir ce qu'il fait de ses entreprises, en fait. Alors, évidemment, moi, en tant qu'économiste, je pense que ces règles sont absurdes. Il faut arrêter de considérer que une bonne politique industrielle, c'est une politique qui vise à maximiser la concurrence et faire en sorte que les entreprises maximisent leurs profits. C'est absurde. De la même façon, il est absurde de demander à l'État de singer le comportement des entreprises privées. Voilà, d'ailleurs, on pourrait savoir de quelle entreprise privée on parle, parce que si c'est comme Casil, le Chinois qui a racheté l'aéroport de Toulouse, ou comme, par exemple, Michelin, ou comme Renault, etc., il y a plein de stratégies différentes des entreprises privées elles-mêmes. Donc en fait, l'État se retrouve toujours à devoir gérer une entreprise publique comme une entreprise privée, parce que sinon, il va distordre la concurrence. Mais en réalité, il y a plein de façons de diriger différemment une entreprise privée. Et donc, oui, tout ça fait que la stratégie industrielle, en fait, est empêchée par les règles, actuellement par les règles européennes, par aussi l'ouverture à la concurrence internationale. Et donc autant je suis d'accord avec l'idée qu'il faudrait retrouver des entreprises publiques pour redévelopper des stratégies industrielles, mais encore faut-il que l'État ait le droit de développer ses stratégies industrielles et qu'il ne soit pas empêché par un certain nombre de règles. Et donc voilà, il y a une forme de contradiction, si vous voulez. On peut dire il faut que l'État rachète les entreprises industrielles, mais encore est-il nécessaire qu'on puisse définir une politique industrielle qui soit clairement définie. Et pour l'instant, c'est impossible de mener ce genre de politique dans le cadre des traités actuels européens. Quentin ? Après, la question, c'est on constate que l'État a la volonté de plus en plus établie de ne pas intervenir et de laisser les entreprises faire, donc comme on disait, la main du marché. Mais on se rend compte aussi qu'il se prive d'outils. Et imaginons, voilà, on prend le cas de Casil à Toulouse. La justice a priori de grandes difficultés à condamner l'actionnaire chinois parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Et même à un niveau plus haut, quand on prend par exemple le CICE, qui est encore une autre aberration, on voit que l'État donne une liberté, donne une somme d'exemption d'impôt énorme, mais ne demande aucune contrepartie et ne demande aucun engagement en fait, du privé. Oui, c'est parce que l'objectif... Alors, pour les raisons que j'ai dites, mais je ne vais pas y revenir, sur le fait qu'il a... Il n'a pas les moyens, en fait. Il est un peu entravé dans sa politique par les règles européennes, mais aussi parce que, finalement, dans un univers extrêmement concurrentiel, la stratégie actuellement a mené, mais ça fait de longtemps, de Sarkozy, ça s'est renforcé sous Hollande, et ça se renforce encore plus sous Macron. La stratégie politique économique de l'État, c'est une stratégie d'attractivité. C'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement, on est en concurrence avec les autres pays européens, avec tous les pays du monde. Concurrence pourquoi ? Pour attirer le capital, l'investissement privé, et donc attirer de l'emploi des étrangers vers chez nous. On est en concurrence pour attirer le capital étranger, mais aussi pour faire en sorte que le capital étranger reste en France, parce que si un pays est plus attractif plus tard, eh bien, il va aller là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Eh bien, on subventionne à tour de bras le privé, mais évidemment, dans le respect des règles de la concurrence, c'est-à-dire tout le privé en même temps. C'est-à-dire, on va faire le CICE, là aussi. Pourquoi sans contrepartie ? Parce que si on demande une contrepartie, on fausse la concurrence. Vous voyez, c'est ça le problème. Si on dit on va réserver le CICE aux entreprises industrielles, mais pas aux entreprises de services, il y a une logique derrière, parce que l'entreprise de service, elle n'est pas en concurrence avec les Chinois. Mais si on fait ça, eh bien, on va se faire taper sur les doigts par Bruxelles, parce que ça sera anti-concurrentiel. Ça sera une forme de subvention aux exportations déguisées. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaye de diminuer au maximum la fiscalité du capital privé pour être plus compétitif que l'Allemagne, l'Espagne ou la Chine. Et donc, en fait, on réduit la base fiscale. Alors, soit on le réduit officiellement en baissant les impôts et les cotisations sociales d'entreprises et la taxe sur le capital, etc., ce que fait Macron, soit on le fait de manière détournée, ce que faisait Hollande, en subventionnant par le CICE. En fait, le CICE, qu'est-ce que c'est ? C'est un crédit d'impôt. Ça veut dire que officiellement, on enlève l'impôt, mais comme on enlève l'impôt, on baisse l'impôt en année N plus 1, ça ne coûte pas immédiatement. Et donc là, l'idée, c'était que on rembourse, en fait, l'État rembourse une partie de l'impôt que l'entreprise aurait dû payer. Mais en fait, les subventions, maintenant, c'est transformé, le CICE est transformé en baisse de cotisation sociale. Il va être supprimé, le CICE, mais on baisse directement la fiscalité. Bon, toutes ces politiques-là sont en réalité des politiques d'attractivité. Et ces politiques d'attractivité, elles sont dues à quoi ? Eh bien, à l'idée, au fait qu'on est tous en concurrence, et donc on cherche à être plus attractif que son voisin. Conséquence de tout ça, on diminue la fiscalité de tout ce qui est mobile, c'est-à-dire des revenus, des hauts salaires qui peuvent aller voyager d'un pays à l'autre et se faire embaucher à l'étranger. On diminue la taxation sur le capital qui est lui aussi mobile. Par contre, on va taxer davantage tout ce qui est mobile, hein, c'est-à-dire les familles modestes, moyennes, et puis tout, par exemple l'immobilier, hein, c'est la transformation de l'ISF en ici. Hein, c'est l'ISF, c'est toute la fortune, en particulier fortune immobilière, actions, etc., qu'on taxe. Et bien l'IFI, hein, donc le nouvel impôt sur la fortune immobilière, je crois. C'est justement taxer les biens immobiliers parce que par définition les biens immobiliers ne sont pas mobiles. Et donc comme ils ne sont pas mobiles, eh bien, on peut les taxer plus facilement. Donc tout ça, c'est en fait une politique qui est vraiment une stratégie qui est tout à fait menée de manière consciente par les gouvernements depuis des années 2000 en fait, hein, qui est de moins taxer ce qui est mobile et de plus taxer ce qui est mobile. Et ce qui est mobile, bah, c'est les pauvres, c'est les classes moyennes, c'est l'immobilier, hein, de manière à augmenter l'attractivité de la France, hein, sur tout ce qui est en concurrence, c'est-à-dire tout ce qui est mobile. Alors, il nous reste 10 minutes. On va aborder donc maintenant le référendum ADP, donc le RIP, donc, qui a été lancé en juin. Et donc, l'idée, c'est d'obtenir donc 4,7 millions de signatures donc en mars pour donc pouvoir éventuellement mettre en place ce référendum. On en est loin, malheureusement. D'après Libération, on serait à 924 000 signatures donc enregistrées le 6 novembre. Donc on n'est quand même pas loin du million. Est-ce que, si on obtient un million, est-ce que ça peut quand même changer la donne ? La chronique d'un chroniqueur sur France Culture, la Frédéric Seyss, laissait entendre que, hors micro, une députée En Marche affirme que, de toute façon, la privatisation a maintenant du plomb dans l'aile, le dossier étant devenu explosif pour être mené à terme, explosif dans ce climat social que l'on sait qui est assez tendu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, finalement, même si on obtient un million, est-ce que ça peut quand même éventuellement faire fléchir notre gouvernement? Alors cette histoire d'ADP est extrêmement intéressante pour plein de niveaux. Alors effectivement, un million, je pense que c'est un cap symbolique extrêmement important, hein, parce que du coup, bah, on en parlera, hein, passer d'un million, puis aussi parce que Emmanuel Macron avait promis, justement dans le cadre du grand débat des Gilets jaunes, de non pas de faire le RIC, hein, ça c'était impossible, mais de diminuer le seuil du référendum d'initiative partagée, qui aujourd'hui est à effectivement 4,7 millions, c'est-à-dire 10% du corps électoral, à un niveau de 1 million. Ça, il l'a dit explicitement. Donc si on passe le seuil de 1 million, eh bien, on pourra dire à Emmanuel Macron, bah, vous voyez, hein, un référendum devait être prévu d'après ce que vos promesses, donc bah, faites-le maintenant, plutôt que d'attendre une réforme constitutionnelle qui, en fait, n'arrive pas. Donc, c'est intéressant parce que symboliquement, ça va mettre un peu de pression sur Emmanuel Macron. Mais plus largement, ce que je trouve intéressant, mais c'est aussi un problème de. Moi, je suis impliqué sur la question de l'ADP depuis longtemps. Hein, avec Coralie Delorme, on a lancé une pétition contre la privatisation de l'ADP dès le mois de début mars. Hein, et donc, c'est cette pétition d'ailleurs qui avait permis de relancer le débat. Il y a eu 300 000 signataires. Alors, je ne demande pas le. N'allez pas la signer, hein, parce que on serait engueulé maintenant, parce que cette vision existe, et on nous dit, mais elle enlève des voix sur le RIP. En réalité, c'est pas vrai, parce qu'on a gagné que 30 000, depuis que le RIP est présent, on a gagné que 30 000 pétitionnaires, hein, sur cette pétition. Mais peu importe, c'est une pétition qui, de prise de parole, ce qu'on a pu voir, c'est que, en fait, le problème, c'est que la manière dont aujourd'hui la politique se fait, et la gauche se mobilise, c'est que, on mobilise des gens qui sont concernés. On fait des meetings auprès de personnes qui sont déjà impliquées dans ces questions-là, mais on n'arrive pas à toucher le grand public. Alors, on a perdu, la gauche française a perdu l'accès aux citoyens de base. Et nous, on le voit quand on fait des tables. J'ai fait des tables, notamment avec Coralie Delhomme, des tables pour le RIP. Alors, c'est facile de faire une table. Hein. On se met dans la rue, on prend un ordinateur, une connexion Internet qu'on crée grâce à un smartphone. On met une grande affiche RIP, ADP, venez signer pour le RIP et pour contre la privatisation de l'ADP. Et les gens, spontanément, viennent à nous. En général, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas signé le RIP. Hein. Très peu de gens dans la rue ont signé RIP, hein. C'est pour nous, le moins d'un million. Et puis, parfois, ils avaient entendu parler. Alors, quand on avait fait la table en juillet, ils n'en avaient pas entendu parler. On a refait une table en octobre, ils avaient tout oublié, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de communication médiatique et parce que tout ça passe quand même largement au-dessus de la tête des gens. Alors évidemment, on a des militants extrêmement concernés qui vont signer. Donc c'est, on va dire, les 300, 400 premiers 1000 signataires qu'on a eus. Ensuite, tous les autres, eh bien, il faut aller les chercher, je veux dire, un par un, en faisant des tables. Alors on n'est pas les seuls à avoir fait, il y en a eu beaucoup qui ont été faites, mais c'est comme ça hein, qu'on peut le faire. Le problème, c'est que les partis politiques, ils ont perdu l'habitude de s'adresser aux gens. Ils font des meetings où ils rassemblent des sympathisants, ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais là aussi, dans des cercles qui sont relativement fermés, et pour atteindre le reste de la population, c'est extrêmement difficile. Ça aussi, on le voit, quand on regarde qui a signé, il y a sur le site ADPERIP, on a une carte de France avec les départements, les villes qui ont le plus signé pour le RIP. Quel est le département ou la ville qui a le plus signé pour le RIP ? Paris. Paris, ça a un taux de pourcentage de signature bien plus important que le reste de la France. Et toutes les grandes métropoles, c'est pareil. Plus on est dans les catégories socio-professionnelles incluses dans le débat public, qui s'intéressent au débat public, plus elles signent, plus on est dans des catégories socio-professionnelles faibles, qui généralement sont détachées des grands débats politiques et économiques, et bien moins les gens vont signer. Donc il y a un véritable problème d'information du grand public et qui vient en partie de la faiblesse des organisations de gauche actuellement. Oui, ce que vous dites sur le fait que c'est quand même les gens plutôt diplômés qui habitent donc plutôt dans les métropoles qui se sont mobilisés. Bon, ça rejoint effectivement beaucoup l'abstention. Les abstentionnistes. Enfin, j'imagine que si on superposait les deux cartes, on verrait qu'effectivement la géographie, l'abstention se retrouve aussi également chez les gens qui n'ont pas voté. Alors, une autre explication, c'est peut-être de dire aussi que l'objet lui-même du référendum, à savoir l'aéroport. Ça a pas beaucoup d'impact. Peut-être que les gens voient pas non plus l'impact sur leur vie quotidienne. Peut-être que si on avait fait un référendum, peut-être sur la question du travail, par exemple, il y avait eu une pétition qui avait été lancée là sur change.org à la faveur de la loi travail sous Hollande, qui avait, je crois, obtenu à peu près plus de 2 millions. Bon, c'est aussi l'objet peut-être peut-être qu'il y a pas énormément de gens qui prennent l'avion. Ceux qui prennent l'avion sont peut-être en grande partie macronistes, donc peut-être adhèrent à cette question. Puis il y a peut-être aussi des gens qui tout simplement sont contre-fiches, voient pas non plus l'aspect, voient pas les conséquences sur leur vie quotidienne. Est-ce qu'il n'y a pas non plus cet aspect-là? Alors, qui oui peut-être... Oui et non. Je suis un peu d'accord et en même temps, quelques nuances. Alors, la pétition sur la loi travail, en fait, elle n'a pas réuni plus d'un million. La pétition qui a réuni le plus... La pétition qui a réuni le plus de signatures, c'est la pétition de Ludowski, qui est une gilet jaune, je ne sais plus son prénom, pour vérifier, peut-être que je me trompe, mais c'était 1 300 000, un truc comme ça, sur la hausse du carburant. Donc c'est plutôt 200 000, mais je veux bien vérifier, c'est un truc à vérifier. En fait, c'est vrai que la prise de la DP, c'est pas le cœur du sujet des préoccupations des gens. Cela dit, les sondages qui ont été faits justement quand il y a eu ce débat montraient qu'il y avait les trois quarts des Français qui étaient contre la privatisation. Quand on fait une table, on voit que les gens viennent spontanément et c'est pas très compliqué de les convaincre de signer. En gros, les gens sont clairement contre la privatisation d'ADP, je veux dire, une très très grande majorité. Alors effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément faire la démarche pour signer sur le RIP. Mais plus globalement, je pense que c'est vraiment un problème d'information, c'est-à-dire que, ou de mise en perspective de ce qu'il y a derrière. Dès qu'on leur explique deux minutes, eh bien, les gens sont contre. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas un sujet qui est au cœur du débat actuellement, contrairement par exemple à la hausse du gasoil, hein, qui a une pétition qui a très très bien marché sur Change. Mais tout de même, quand on les informe deux minutes, les gens sont contre la privatisation des biens. Ça se voit tout de suite sur les tables. Il suffit d'en faire une pour voir que les gens signent très spontanément. Globalement, on fait une table de 2 heures, 3 heures, on arrive à 20, 30 signatures, donc 10 par heure, ce qui est quand même beaucoup. Et dans la loi sur le référendum, outre le seuil qui est haut, il n'y a pas d'obligation de l'État de communiquer sur le fait qu'on peut voter en ligne. Et puis tout est un peu fait pour justement pas informer le public. Il n'y a même pas de grands débats dans les médias et compagnie. Donc c'est ça aussi qui, à mon avis, doit jouer pour ça. C'est évidemment délibéré. Bon. Oui. Bon. Alors, c'est clair. Alors, c'est hallucinant parce que le Conseil constitutionnel est censé garantir hein, la procédure, il dit, bon, il n'y a rien dans la Constitution qui oblige l'État à mener une campagne de communication. Sauf qu'il n'y a rien dans la Constitution qui oblige non plus l'État à mener des campagnes en faveur du vote, voilà, et pourtant il le fait. Hein. C'est pas parce que ce n'est pas obligé qu'on ne peut pas le faire. Quand on a un vote, n'oublions pas que c'est un vote, hein, ça fait partie de l'acte citoyen. Quand il y a une journée de vote, on va avoir trois informations sur taux de participation, on va avoir des campagnes qui vont expliquer qu'il faut aller voter, etc. Là, le RIP, le référendum sur le RIP, c'est aussi, de la même façon, une prise de parole citoyenne qui inclut dans la Constitution et a absolument aucune campagne de communication n'est faite, sous prétexte que ce n'est pas marqué dans la Constitution. Et en fait, si l'État ne faisait que ce qui est marqué dans la Constitution, il y a plein de choses qu'il ne ferait pas, quoi. Hein, donc, et là, on a vu un truc scandaleux, c'est-à-dire qu'on a des parlementaires qui veulent faire des clips pour rappeler à la participation au RIP, donc ils doivent financer, ils doivent trouver 100 000 euros pour le faire, donc c'est déjà une somme considérable, et Radio France vient de dire que non, elle ne diffuserait pas ces clips parce qu'elle ne veut pas choquer ses auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de choquant de demander d'informer des gens sur le fait qu'ils peuvent signer pour le RIP? Et puis, par ailleurs, Radio France ne se prive absolument pas de diffuser des clips pour faire la promotion de la privation de la Française des Jeux en disant qu'on peut, tout le monde peut acheter les actions de la Française des Jeux. Donc, et ça, moi, personnellement, moi, je trouve ça très choquant. Alors, faudrait savoir, quoi. Enfin, je veux dire, le deux poids, deux mesures, ça va un peu, quoi. Est-ce que quand même, si on obtient les millions, et compte tenu d'un climat social là, dont effectivement que j'évoquais, qui est quand même voilà, particulièrement tendu, est-ce que ça peut quand même mettre un peu un caillou dans la chaussure de Macron et dans son désiderata de privatiser l'aéroport de Paris? Est-ce que bien sûr. Voilà. Bien sûr, non, mais parce que cette privatisation ne s'impose pas de fait, du point de vue pour l'État. Et puis parce que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'y a pas de pub qui est faite sur ADP. C'est-à-dire que c'est vu comme une initiative de l'opposition. Et Emmanuel Macron, le gouvernement, craignent quand même beaucoup, hein, déjà d'arriver au million, et puis déjà que ADP soit un point de focalisation. Pour l'instant, c'est pas un point de focalisation parce que le débat public ne tourne pas autour de ça et parce que, évidemment, personne n'en parle. Hein, donc évidemment... Ça ne devient pas un débat public, un point de focalisation. Les points de focalisation, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, etc., c'est justement parce qu'on en parle. Hein. Et Daniel Schneiderman vient de sortir un livre dans lequel il critique l'absence totale de débat et de médiatisation de cette question-là, sauf dans les réseaux militants. Et son livre lui-même, il est boycotté. Car il n'a eu quasiment aucune reprise presse, il n'a été invité nulle part. C'est quand même hallucinant de voir cette Et bien sûr que s'il n'y a pas de presse, si on n'en parle pas, c'est parce que ça gêne énormément le gouvernement. Parce qu'il veut tout faire pour éviter, d'atteindre le million, il n'y arrivera pas en atteindre le million, mais évidemment d'atteindre les 4 700 000. Ça, c'est très compliqué dans un contexte où personne n'en parle. On va s'arrêter là, on conclut. Peut-être juste la conclusion d'abord et ensuite un petit aparté. Je sais pas, Ludovic si... Bah écoutez, oui, la conclusion, c'est que peut-être qu'effectivement, si on obtient quand même le million, pour revenir sur la question du référendum, on peut quand même, au regard du contexte, éventuellement faire peut-être changer d'avis, en tout cas mettre un sérieux frein à la volonté là, de Macron. On verra bien surtout ce que va donner la mobilisation du 5, hein, du 5 décembre. Alors peut-être que Macron va faire comme les retraites, il va essayer de gagner du temps, peut-être, voilà, je pense que sans doute que ça se fera, mais ça se fera peut-être en 2021, voire en 2022, avant, ou ça ne se fera pas, voilà, on peut, comme toujours, ça va dépendre, bien sûr, du rapport de force, c'est pour ça qu'on on engage tous ceux qui nous écoutent, en tout cas pour ceux qui n'ont pas signé, de le faire, on ne manquera pas, d'ailleurs, à Attac, d'aller s'installer aussi dans la rue avec... un ordinateur et une table pour essayer de pouvoir justement convaincre les gens et d'obtenir le fameux million. René, tu... Oui, alors juste un petit aparté, puisqu'à l'occasion des 50 ans de Radio Campus, les trois attaques de la métropole, nous avons présenté récemment Le Rouge et le Vert, une pièce de théâtre écrite par Jean Gadret et qui était jouée par Philippe Pio et Hugues de la compagnie Spectabilis, et que je crois que vous les connaissez, étant donné que vous êtes de la même région. Je ne les connais pas. Ah bon, mais... Bon, c'est... Enfin, voilà. C'est, tout c'est une bonne initiative. Voilà. Vous connaissez Jean Gadret, je pense. Oui, alors je connais Jean Gadret, mais de nom, mais je ne connais pas personnellement. D'accord. Enfin, voilà, c'était juste pour... Puis je le lis aussi un peu. Vous en informer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et encore merci. C'est le chiffon rouge hein, de Michel Fugain. Donc on passe à l'actualité d'attaque. Oui, alors au plan national, le Black Friday, vendredi noir pour Amazon. Le Black Friday, c'est cette journée de prix cassés et de consommation extrême, totalement incompatible avec la profonde aspiration à une vie décente sur une planète vivable. Amazon et son système de fonctionnement, c'est la surconsommation extrême alliée au gaspillage des ressources et à la destruction du climat et des écosystèmes. Mais c'est aussi un symbole édifiant de la puissance dangereuse et disproportionnée des multinationales à notre époque, qui leur permet d'imposer leurs lois à leurs fournisseurs, clients et salariés, tout en éliminant la concurrence et donc des emplois. De soumettre les élus à leurs conditions en matière d'implantation et de se poser en championne de l'évasion fiscale. Aussi, le collectif d'organisation des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales, dont fait partie ATTAC, projette un vendredi noir pour Amazon à l'occasion du Black Friday les 29 et 30 novembre. Et dans une tribune publiée vendredi 15 novembre sur le site lemonde.fr, 110 personnalités appellent également à transformer ce Black Friday en un vendredi noir pour Amazon. Le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Alors, en piste pour un premier million de signatures. Malgré le silence des grands médias et du gouvernement, la campagne pour obtenir un référendum concernant la privatisation d'aéroports de Paris, ou ADP, bat son plein. Lors des semaines passées, des dizaines de collectifs se sont créés dans toute la France, mobilisant des centaines de militantes et militants sur le terrain. Car ce référendum d'initiative partagée est un enjeu de société crucial. Soit abandonner la gestion des richesses nationales et des biens communs aux entreprises privées, soit préserver ces biens afin de réorienter leur usage pour la justice sociale et la défense de l'environnement. La campagne en ce mois de novembre doit prendre une nouvelle dimension pour atteindre le million de demandes de référendum et accélérer le rythme des signatures. À ce titre, la Coordination nationale contre la privatisation d'ADP et toutes les organisations qui soutiennent la campagne appellent à faire de la deuxième quinzaine de novembre une grande séquence de mobilisation pour le référendum. Appelle également les maires de toutes les communes françaises à exercer leur droit à l'information auprès de leurs administrés, à être présents lors des manifestations qui vont se dérouler en novembre et décembre, et également appelle les personnes qui ont déjà signé à convaincre 4 autres personnes de leur entourage à faire de même. La coordination nationale a ouvert un site qui ressente qui recense les différents documents et outils de mobilisation. Donc c'est https://privatiser-en-un-seul-mot.fr. La campagne retraite 2019-2020. Le gouvernement a enclenché un projet désastreux de réforme des retraites qui conduit à l'augmentation des inégalités sociales. Des mobilisations sociales importantes se dessinent. Et dès le 21 novembre, ATTAC prévoit de réagir à la sortie du rapport du COR. Pour mettre en place des actions, une série de réunions a été programmée entre les membres du conseil d'administration, des comités locaux et différents espaces de travail ou commissions d'ATTAC. La première s'est tenue le 13 novembre dernier. Alors, au plan local maintenant. Alors, le rouge et le vert. La pièce de théâtre, donc Le Rouge et le Vert, écrite par Jean Gadré et proposée par ATTAC Métropole pour les 50 ans de Radio Campus, jouée à l'Amresse mardi dernier par la compagnie Spectabilis, a réuni une bonne centaine de personnes. Les deux personnages, Yvan et Karl, ont mis en relief avec talent les contradictions entre les revendications écologistes et celles du mouvement social. Et surtout les moyens de les surmonter afin de concilier ces deux positions, montrant d'ailleurs qu'elles se rejoignent sur de nombreux points. La pièce a été suivie d'un débat où Jean Gadré et Christopher Liénard, président de l'AMRES, ont répondu aux questions du public. Grande Sainte, la ville où tout se joue, de Béatrice Camura-Jo. Un ciné-débat donc proposé par par l'Université populaire de Roubaix en partenariat avec la FAL, la Ligue des droits de l'homme et ATTAC Roubaix-Tourcoing. C'était le jeudi 24 octobre au cinéma Le Duplex à Roubaix. Le film, donc réalisé par Béatrice Camura-Jo, présentait l'expérience en cours à Grande-Synthe en matière de transition sociale, écologique et solidaire. Une réponse alternative aux crises auxquelles est confrontée la ville. Pollution industrielle, chômage, conditions de vie des migrants, etc. Le débat s'est tenu à la maison des associations située à proximité. Alors, Parc Saint-Sauveur, maintenant, réunion publique. L'association Parc Saint-Sauveur, qui, je le rappelle, lutte contre la bétonisation de la friche Saint-Sauveur et du Belvédère, vous invite à une réunion publique suivie d'un débat pour présenter les principes d'un projet alternatif concernant le site. Ce sera le mardi 26 novembre de 18h30 à 20h30 à Sciences Po Lille, 9 rue Auguste Angelier. Ce sera à l'Amphi A. Enfin, le Black Friday, vendredi noir pour Amazon. Alors, le relais local de l'Action nationale est actuellement en préparation. Les comités locaux attaques de la métropole sont en contact avec d'autres associations. Oui, on va s'arrêter là. On se retrouve dans 2 semaines, c'est ça ? Le 30 novembre. Oui. Et on n'a plus le temps. Là, on vous laisse avec, heureusement, en